طيب، ما هي الأحاديث الثلاثة التي ادعي فيها أن الإمام أحمد أولها؟ Qui peut se rappeler des trois hadiths au sujet desquels l'imam Ahmed a été accusé mensongèrement de les avoir interprétés autrement que dans leur sens apparent. Qui se rappelle? Ah. ايوه قلوب العباد بين اسبوعين او اسبوعين من اصابع الرحمن هذا حديث parmi ces trois hadiths il y a le hadith où le prophète sallam a évoqué que les cœurs des serviteurs aussi nombreux soient-ils se trouvent tous entre deux doigts des doigts d'Allah azza wa jalla ولا حديثين هاي اسمعي نسيت الحجر الأسود يمين الله في الأرض le premier de ces trois hadiths était le hadith concernant la pierre noire et c'est un hadith où Il est dit que la pierre noire est la main droite d'Allah sur terre. Et le dernier hadith, يعني في أهل اليمن أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد وقال إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. Le troisième hadith, c'est le hadith où le prophète صلى الله عليه وسلم évoque qu'il a trouvé le secours d'Allah venant du Yémen. Taïf. Donc c'est les trois hadiths qu'on va voir aujourd'hui, dont on va répondre à l'ambiguïté prétendue. Est-ce que les gens de la Sunna ont interprété ces hadiths, oui ou non, et comment répondre à cela? طيب قال الشيخ العثيمين عليه رحمة الله المثال الأول الحجر الأسود يمين الله في الأرض. Donc premier exemple parmi les réfutations qui vont concerner ces trois hadiths. Le premier hadith la pierre noire est la main droite d'Allah sur terre. طيب الجواب عنه انه حديث باطل. حديث باطل. Première des réponses à donner à ce hadith, c'est que c'est un hadith باطل, un hadith ضعيف. Non authentique, non authentique. لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن الجوزي في العلل المتناهية كتاب النفيس هذا الكتاب العلل المتناهية للإمام ابن الجوزي وله كذلك كتاب آخر الموضوعات الموضوعات Donc l'imam Ibn al-Jawzi il dit que ce hadith n'est pas authentifié, il ne remonte pas jusqu'au prophète alayhi salatu wassalam. هذا حديث لا يصح. وقال ابن العربي حديث باطل فلا يلتفت إليه. Et donc pareil, un autre imam Ibn al-Arabi, il dit que ce hadith est un hadith باطل, un hadith faux, erroné, non authentique. Donc on ne doit pas se tourner vers lui. On ne doit pas le prendre en considération. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وقال شيخ الإسلام ابن تيمية روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد لا يثبت انتهى وعلى هذا فلا حاجة للخوض في معناه. Donc même l'imam Ibn Taymiyyah, il te dit que ce hadith n'est nullement authentique. Ce hadith n'est nullement authentique, donc on n'a pas besoin de plonger dans l'essence qu'il recèle. لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية والمشهور يعني في هذا الأثر إنما هو عن ابن عباس. Et donc là, l'imam Ibn Taymiyyah, il dit cependant ce qui est connu de ce hadith, c'est que c'est pas un hadith, mais c'est une parole de compagnon, la parole de Ibn Abbas. قال الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. Donc ça c'est la parole de Abdullah Ibn Abbas qui dit الحجر الأسود, la pierre noire est la main droite d'Allah sur terre. Celui qui la touche et l'embrasse aura certes touché la main d'Allah ou yani la main droite ou l'aura embrassé. Tamam. وهل يقال أن هذا الأثر له حكم الرفع؟ Est-ce qu'on peut dire que ce athar il peut être considéré comme une parole du prophète alayhi salatu wassalam, parce que là c'est la parole d'un compagnon et il parle d'une chose invisible, donc forcément s'il parle d'une chose invisible c'est que il en a été informé du prophète alayhi salatu wassalam. Donc on pourrait prendre la parole de Abdallah ibn Abbas comme dalil alayhi sakadalik. Ha. فكيف إذن نثبته على مقتضى قول عبد الله بن عباس؟ ها؟ هل يصح عن ابن عباس قوله؟ أيوه. لله يضرك يا أبا عبد الله. نسأل الله أن يزيدك علما وتواضعا. نعم. D'abord, est-ce que c'est authentique ou c'est authentifié que Abdallah ibn Abbas a bien dit cette parole-là. C'est déjà la première des choses. Comme là, le hadith. Le hadith, avant de parler sur le hadith, est-ce que le hadith il est sahih ou là? La Bouddha, awalan, qablan, ta khoud fi shuruhat, an ta'lam, sihat al hadith, am la? Naam. Ou hal yassih, an Abdallah ibn Abbas, est-ce que cette parole est authentique et remonte bien authentiquement à Abdallah ibn Abbas? Ah, hadithun batil. Aywa, la yathbut an Abdallah ibn Abbas. La yathbut hatta mawqufan alayhi ma yathbut. Tayeb. Qala wa man tadabbara. Mais même si on va dire qu'il serait authentique, regardez ce que Cheikh Al-Uthaymeen a dit juste après, ou plutôt Cheikh Al-Islam. قال ومن تدبر اللفظ المنقول تبين له أنه لا إشكال فيه فإنه قال يمين الله في الأرض. Et celui qui médite la parole de Abdallah ibn Abbas, il va voir qu'il n'y a pas de problème là-dedans. Il n'y a pas de problème dans ce hadith. Pourquoi? Parce que Abdallah ibn Abbas, il dit bien la main droite d'Allah sur terre. Sur terre. Donc là, le fait qu'il est précisé sur terre et qu'il est stipulé sur terre, le mot terre, ça, tout de suite, ça nous emmène. Est-ce que le premier sens qui nous vient à l'esprit, c'est que c'est la main réelle d'Allah Azzawajal, quand on entend la main droite d'Allah sur terre? C'est pas le premier sens qui nous vient à l'esprit. Le premier sens qui nous vient à l'esprit, forcément, ce sera une interprétation. Fahimtum? Donc, en soi, même si ce hadith il serait authentique, eh bien, on avait dans ce hadith des choses qui nous montraient que le sens apparent n'était pas d'affirmer que c'est bel et bien la main d'Allah Azza wa Jal. Fahimtum? طيب. قال ولم قال ولم يطلق ولم يطلق فيقول يمين الله وحكم اللفظ المقيد يخالف حكم المطلق المطلق. Donc là, Abdullah ibn Abbas, dans ce hadith-là, il a dit la main droite d'Allah sur terre. Donc il a spécifié. Il n'a pas parlé d'une manière absolue. La main droite d'Allah. Ça, c'est une parole absolue. Donc là, on aurait peut-être pu comprendre que c'est la main droite d'Allah. Mais le fait qu'il ait dit la main droite d'Allah sur terre, là, ça nous amène forcément à, à une compréhension qui n'est pas la compréhension que les partisans de plusieurs sectes ont comprise. طيب قال فيقول يمين الله وحكم اللفظ المقيد يخالف حكم المطلق ثم قال فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه وهذا صريح في أن المصافح أن المصافح لم يصافح يمين الله أصلا ولكن يشبه بمن يصافح الله فأول الحديث وآخره يبين أن الحجر ليس من صفات الله تعالى كما هو معلوم عند كل عاقل. هذا كلام جميل لشيخ الإسلام ابن تيمية. Donc ensuite Cheikh l'Islam il te dit que et le reste du hadith aussi nous montre que la pierre noire n'est pas réellement la main d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Parce que dans le hadith il dit celui qui touche la pierre noire et qui l'embrasse, c'est comme s'il avait touché la main d'Allah et il l'avait embrassé. Donc le fait qu'il dise « c'est comme », ça sous-entend forcément que ce n'est pas la main d'Allah Azza wa Jal. C'est clair ça pour toute personne qui maîtrise un tant soit peu la langue arabe. Ouais. Donc vous voyez l'importance de comprendre les mots en fonction des phrases, en fonction du contexte, en fonction de l'organisation des mots dans la phrase. Ouais. Donc là, on a terminé avec l'explication de en ce qui concerne Hajar al-Aswad, Yaminullah fil ard. Tamam. Al-Mithal al-Thani. قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن. Deuxième hadith, les cœurs des serviteurs sont entre deux doigts des doigts du tout miséricordieux. طيب. Aslan, déjà celui qui a une mauvaise compréhension de ce hadith là, qu'est-ce qu'il va comprendre? Qu'est-ce qu'il va comprendre de mal de ce hadith là? Les doigts, tous les cœurs des serviteurs sont entre deux doigts des doigts d'Allah Azza wa Jal. Il va comprendre que les doigts d'Allah, c'est comme les doigts de l'être humain. Il va comprendre que les doigts d'Allah, c'est comme les doigts de l'être humain. Hein? Aïwa. Ahsan. C'est plus ça qu'il va comprendre. C'est-à-dire que les doigts d'Allah, si tous les cœurs des serviteurs, ils sont entre les deux doigts d'Allah, ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il est dans sa création. Fahimtum? Pour les adeptes des sectes égarées, bien sûr. Ils vont prendre ce hadith-là pour dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il peut rentrer dans sa création. Tamam? Et, que à l'intérieur de chacun des êtres humains, Yani, on peut trouver les deux doigts d'Allah Azza wa Jalla. Fahimtum? Wa hadha tafsirun batil. Qala al-jawab anna hadha al-hadith sahih. Donc là déjà c'est un hadith sahih. Rawahu Muslim fi al-bab al-thani min kitab al-qadr an man? Abdullah ibn Amr ibn As. Ahsanta. Ahsanta. طيب عن عبد الله بن عمرو ابن العاص حفظت الحديث هذا متقن ولا ها تفضل يا اخي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كل ادم بين اصبعين من اصابع الرحمن يصرفهم حيث يشاء ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا عن الطاعات. أحسنت. أحسنت. جزاك الله خيرا. الله يبارك فيك. الحفظ يحتاج إلى مراجعة ويحتاج إلى إتقان. نعم. أحسنت يا أبا عبد الله. وأشد ما يحتاج يعني من المراجعة في المحفوظات القرآن للجميع للإمام والمأموم نعم والمأموم عليهم أن يعني يلزموا السكينة والثبات لا يصحح الإمام إلا هو على يقين جازم لا يصحح الإمام إلا وهو على يقين الجازم. Ceux qui prient derrière l'imam, ils sont aussi concernés par la révision du Coran. L'imam et ceux qui prient derrière. Et celui qui prie derrière l'imam, s'il veut corriger l'imam, il se doit d'être sur une certitude. Sur une certitude. Hein, Ams, Sallayna. واحد صحة قال وكذلك يوحى ها في بداية سورة شورى وصحيح ماذا وكذلك يوحي ها نعم على كل حال طيب جزاك الله خيرا يا أبا عبد الله دونك لا الحديث ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء حيث يشاء. Donc là c'est le hadith où le prophète صلى الله عليه وسلم dit les cœurs des enfants d'Adam sont tous entre deux doigts des doigts du tout miséricordieux comme un cœur comme un même et unique cœur. Il les tourne comme il veut. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. Et ensuite le prophète صلى الله عليه وسلم a dit Ô Seigneur, toi qui détournes les cœurs, tourne notre cœur, ou tourne mon cœur, ou plutôt nos cœurs, vers ton obéissance. نعم. وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهر الحديث وقالوا إن لله تعالى أصابع حقيقة. Donc les gens de la Sunna ils ont pris le sens apparent du hadith, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala a bel et bien des doigts. نثبتها له كما أثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام ولا يلزم من كون قلوب بني آدم بين إصبعين منها أن تكون مماسة لها حتى يقال إن الحديث موهم للحلول. Donc nous on les affirme, on affirme ces doigts-là comme le prophète عليه الصلاة والسلام les a affirmés pour Allah عز وجل. Mais cependant ça ne sous-entend pas que parce qu'on a affirmé qu'Allah subhanahu wa ta'ala a des doigts, a bel et bien des doigts dans ce hadith-là, ça ne veut pas dire que ces doigts sont en contact direct avec les cœurs des enfants d'Adam. Fahimtum? Jusqu'à ce qu'on dise que cela implique que Allah subhanahu wa ta'ala et des doigts à l'intérieur de tout à chacun parmi les êtres humains. Fahimtoum ? Vous avez compris ça ? Celui qui n'a pas compris, n'hésite pas. Taïb. قال فيجب صرفه عن ظاهر فيجب طيب ولا يلزم من كون قلوب بني آدم بين إصبعين منها أن تكون مماسة لها حتى يقال إن الحديث موهم للحلول فيجب صرفه عن ظاهر عن ظاهره فهذا السحاب مسخر بين السماء والأرض. Donc là il va te prendre un exemple qui est pertinent. Il va te dire: regarde les nuages. Les nuages, on dit qu'ils sont, qu'ils voguent entre eux, les cieux et la terre. Mais est-ce que ça veut pourtant dire que les nuages touchent la terre ou ils touchent les cieux ? Là. Fahimtum ? فهذا السحاب مسخر بين السماء والأرض وهو لا يمس السماء ولا الأرض ويقال بدر بين مكة والمدينة مع تباعد ما بينها وبينهما. Et aussi, on dit, par exemple, l'endroit de Badr, l'endroit où s'est tenue la bataille de Badr. C'est un endroit qui se trouve entre Mecca et entre Al-Medina. Ça ne veut pas dire que Badr, cet endroit-là, il est limitrophe de Mecca ou limitrophe de Al-Medina. Fahimtum ? فقلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن حقيقة ولا يلزم من ذلك مماسة ولا الحلول. Donc on doit affirmer que les cœurs des enfants d'Adam, ils sont tous entre les mains, entre les deux doigts, des doigts d'Allah Azza wa Jal, sans que cela implique un quelconque contact et que Allah subhanahu wa ta'ala soit à l'intérieur de quelque chose. Ou une partie de lui soit à l'intérieur d'une chose. Tamam. هذا الإشكال الثاني. طيب والمثال الثالث للثالث حديث. إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. والجواب أن هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن الإيمان يمان ألا إن الإيمان يمان والحكمة يمانية وأجد نفس ربكم من قبل اليمن وقال في مجمع الزوائد رجاله رجال الصحيح غير شبيب وهو ثقة قلت وكذا قال في التقريب عن شبيب ثقة من الثالثة وقد روى البخاري نحوه في تاريخ الكبير. نعم. Donc déjà ça c'est un hadith عظيم جدا. Hadith, c'est un hadith صحيح. Il est rapporté là par l'imam Ahmed. نعم. Mais la base de ce hadith là, il se trouve dans البخاري ومسلم. إن الإيمان يمان والحكمة يمانية هذا متفق عليه وفيه فضل أهل اليمن وبعض العلماء ماذا قد خصصوا هذا الفضل للأنصار. Certains savants ont dit que ont spécifié ce mérite là, le mérite des gens du Yémen, aux Ansar, les Aus ou les Khazraj. Pourquoi ? Parce que les Ansar, leur origine, c'est du Yémen. Hum Yémaniyoun, Al-Ansar. Hum awwal man nasara Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ba'd al-Muhajirin. Et ce sont les premiers qui ont secouru cette prédication Mubaraka, cette lumière venue d'Allah Azza wa Jal. La prédication du prophète alayhi salatu wasalam. Ce sont eux les premiers à avoir secouru sa prédication après, bien sûr, les muhajirun, ceux qui ont émigré avec le prophète alayhi salatu wasalam. Naam. والصحيح أن هذا يشمل أهل اليمن كلهم إلا من يعصي الله بالبدع والكبائر وما إلى ذلك. Et la ville plus juste, c'est que ce mérite est propre aux gens du Yémen, pas seulement aux Ansar, mais à toutes les personnes qui sont considérées comme étant vertueuses. فَفِيهِ فَضْلُهُمْ عَلَى سَائِرِ الْبُلْدَانِ. Donc là, on voit dans ce hadith le mérite qu'ils ont face à tous les autres habitants des contrées. وَفِعْلًا أهل اليمن على الأوصاف يعني الصلحاء النصحاء الصالحين منهم les pieux parmi eux ils sont réellement comme le prophète عليه الصلاة والسلام les a décrits عندهم الفقه وعندهم الحكمة وعندهم الإيمان وعندهم الثبات وعندهم الشجاعة يعني جميع الأوصاف الجميلة التي نجدها في الشخص تجدها في أهل اليمن. Vraiment les attributs de mérite qu'on peut rechercher chez un homme, on les trouve chez les gens pieux du Yémen. Que ce soit le courage, que ce soit la foi, que ce soit la science, que ce soit le fiqh. Wallah ya ikhwan fil Yémen, yani ربما تجدون صغار يحفظون في البخاري. Vous allez trouver des enfants peut-être de 10 ou 11 ans qui mémorise dans Sahih al-Bukhari. Ou tajidouna al-da'wa ila al-khair ou sunnah fi jami' al-amakin. Et vous allez trouver que les mosquées d'Ahl al-Sunnah au Yémen, elles sont remplies. Les durous, ils sont qa'im. Laylan wa nahar. Et là, le hadith, il est clair. Comme quoi, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit que le secours d'Allah, il trouve le secours d'Allah venant du Yémen. Même si cette version-là du hadith, elle est considérée comme étant shadh, venant du hadith d'Abi Huraira, elle est venue dans un autre hadith de Mada Salama ibn Nufayl. Salama ibn Nufayl. Salama ibn Nufayl. D'une manière authentique. Qala. وهذا الحديث على ظاهره. Et ce hadith, on doit le prendre de son sens apparent. والنفس فيه اسم مصدر اسم مصدر نفس ينفس تنفيسا مثل فرج يفرج تفريجا وفرجا وهكذا قال أهل اللغة كما في النهاية والقاموس ومقاييس اللغة وقال في مقاييس اللغة النفس كل شيء يفرج به عن مكروب. يعني c'est quoi le sens du mot nafas? C'est tout ce qui provoque une issue favorable face à une difficulté ou dans une difficulté, comme ces savants de la langue arabe l'ont évoqué. فيكون معنى الحديث ان تنفيس الله تعالى عن المؤمنين يكون من أهل اليمن. Donc le sens du hadith, c'est que le secours d'Allah Azza wa Jal qu'il a promis aux croyants, il viendra en partie de par les gens du Yémen. نعم. وهذا قد حصل كما سيذكره شيخ الإسلام في أيام أبي بكر أيام الردة. فهؤلاء الذين قتلوا هؤلاء الذين قاتلوا أهل الردة. Donc ce sont en particulier les gens du Yémen qui ont combattu les personnes qui ont apostasié. Et c'était l'une des plus grandes fitnas. C'était l'une des plus grandes fitnas qui est apparue lors du califat de Abu Bakr. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبهم ويحبونه. ها هؤلاء القوم من هم؟ ها الله أعلم. أهل اليمن Même dans ce verset-là, le peuple visé sont les camarades de Abu Musa al-Ash'ari. Et Abu Musa al-Ash'ari, il est de quel pays? Du Yémen. C'est dire, même aujourd'hui, la da'wa de Dammaj, yani Nasarat, wa fatahat, abwab kathira, fil buldan, kakul. Aliyo, ma min makan, fil alam, rubama, illa wa tajid anna hadi da'wa mubaraka wasalat ilay. Aujourd'hui, il n'y a pas un endroit dans le monde, walillah alhamd, on parle d'une manière globale, sans que cette da'wa, cette prédication qui est sortie de ce petit village, ne l'ait atteint. Il y a combien de gens qui ont découvert la sunna? Combien de gens? Nous, l'an, istafadna min ahli al-Yaman kathiran. Kathiran. Kathiran. Rubama al-bilad, al-medina, kullaha istafada min ahli al-Yaman kathiran. Naam. فصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نفس الرحمن من قبلها هنا من قبل اليمن وما حصل ما يحصل اليوم إلا لغرض et tout ce qu'on constate aujourd'hui que ce soit au Yémen, en Syrie ou autre, tous ces troubles-là, ce n'est fait que pour affaiblir la communauté. Car c'est vraiment cet endroit-là, Al-Jazira, Al-Arabiya, Ma'ash-Sham, c'est le moteur de l'islam. Ida kharibat khariba ma'ahum al-muslimin. Naam. طيب قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهؤلاء هم الذين قاتلوا أهل الردة وفتحوا الأمصار فبهم نفس الرحمن عن المؤمنين الكربات. وانتهى. طيب نكتفي بهذا القدر في هذا الدرس.